troisième temps de notre semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de l'amitié. Aujourd'hui, nous allons nous demander ce qu'était l'amitié médiévale. Après l'amitié entre trois femmes intellectuelles, Mona Ozouf, Michel Perrault et Nicole Leloirin, hier dans le documentaire de Perrine Kervran et Séverine Cassard que vous avez plébiscité sur les réseaux sociaux et également sur notre site internet. Vous pouvez d'ailleurs continuer à l'écouter sur notre site internet ou le télécharger ce documentaire. Et avant demain de parler des copains de régiment, nous allons ce matin nous intéresser dans l'émission d'archives du mercredi à l'amitié au Moyen-Âge. Grâce à des textes lus par Daniel Königsberg, choisis par Perrine Kervran qui a préparé cette semaine avec nous et choisis également par nos deux invités, Damien Bocquet, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille. Il est co-responsable avec Piroche Canagy de programme de recherche sur les émotions au Moyen-Âge. Et Bénédicte Serre, elle est historienne et philosophe. Elle est maître de conférence à l'université de Paris-Ouest-Nanterre, La Défense, et auteur de Penser l'amitié au Moyen-Âge, publié chez Brepols. Commençons cette émission consacrée donc à l'amitié médiévale par un extrait de la Bible, l'Ecclésiastique 6, 5, 17, lu par Daniel Königsberg. Une parole agréable multiplie les amis. Une langue affable attire maintes réponses aimables. Que soient nombreuses tes relations, mais pour les conseiller, prends-en un entre mille. Si tu veux te faire un ami, commence par l'éprouver et ne te hâte pas de te confier à lui. Car tel lie amitié comme ça lui chante, qu'il ne restera pas fidèle au jour de ton épreuve. Tel est l'ami qui se change en ennemi et qui va dévoiler votre querelle pour ta confusion. Tel est l'ami, et s'assied à ta table, qui ne restera pas fidèle au jour de l'épreuve. Dans ta prospérité, il sera un autre toi-même, parlant librement à tes serviteurs, mais dans ton abaissement, il se retournera contre toi et évitera ton regard. Éloigne-toi de tes ennemis et garde-toi de tes amis. Un ami fidèle est un baume de vie. Le trouveront ceux qui craignent le Seigneur. Qui craint le Seigneur se fait de vrais amis, car tel on est, tel est l'ami qu'on a. Bonjour Perrine Kervran. Bonjour. Vous avez préparé cette semaine avec nous autour de l'histoire de l'amitié. Bonjour Bénédicte Serre. Bonjour. Vous êtes avec nous et spécialiste justement de ces questions, en particulier à partir des textes médiévaux. Que disent les textes médiévaux sur cette question de l'amitié? Et bonjour Damien Bocquet. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis les studios d'Aix, de la radio de Radio France à Aix, que nous remercions de vous accueillir. Et vous êtes maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille et, je l'ai dit, co-responsable avec fondateur, même avec Piroche Canagy, d'un programme de recherche sur les émotions au Moyen-Âge. Alors, si on commence par une parole de la Bible, c'est parce qu'on imagine qu'effectivement, c'est ce qui a influencé la pensée médiévale sur la question de l'amitié. Mais ça n'est pas la seule source, en l'occurrence, cette source biblique pour penser l'amitié au Moyen-Âge, Damien Bocquet. Oui, c'est vrai, ce n'est pas la seule source. Alors, c'est une source importante, puisque la source biblique est toujours fondamentale. Mais étrangement, finalement, la Bible parle assez peu de l'amitié. Alors, il y a la célèbre amitié, histoire de David et Jonathan, mais l'Ancien Testament, notamment, ne parle pas beaucoup de l'amitié. Et on parle souvent, vous voyez, avec un mélange d'admiration, mais en même temps de méfiance devant les faux amis. Et si le Nouveau Testament, alors peut-être encore plus important, surtout pour la seconde moitié du Moyen-Âge, enveloppe la question de l'amitié, notamment Jésus, bien sûr, au travers de l'évangile de Jean. Il y a cette idée, alors ce commandement tout à fait fondamental, mais avec cette idée de la hiérarchie de l'obéissance. « Vous êtes mes amis, dit le Christ, si vous faites ce que je vous commande. Mmh. » Et donc il y a cette ambiguïté d'une amitié à la fois importante, mais qui est quand même soumise au principe de l'adoration au Christ, bien sûr, et de l'obéissance. Alors, Bénédicte Serre, vous avez beaucoup travaillé en particulier sur la pensée d'Aristote dans ce Moyen-Âge. Ça veut dire qu'il y a une deuxième source, une source hellénique, une source grecque à cette conception de l'amitié au Moyen-Âge. Elle parvient comment ? Elle arrive comment à ces penseurs médiévaux ? Est-ce qu'on la connaît tôt ou plus tard, en l'occurrence cette pensée d'Aristote en particulier ? Alors justement, l'introduction d'Aristote en Occident et notamment la philosophie pratique d'Aristote, c'est-à-dire les trois volets de l'éthique, la politique et les économiques, arrive très tardivement en Occident. C'est la dernière au milieu du XIIIe siècle. Voilà, exactement. Au milieu du XIIIe siècle, on a des bribes à la fin du XIIe par la voie de l'Italie du Sud, mais le texte complet n'est traduit qu'en 1246-47 par Robert Grosstedt, l'évêque de Lincoln. Et donc, à ce moment-là, au moment où l'éthique à Nicomaque est entièrement traduite en Occident, on peut vraiment dire que le choc est, je dirais, frontal avec tout ce que les médiévaux avaient comme bagage culturel, intellectuel pour penser l'amitié avant ce XIIIe siècle. Un écho de ce choc frontal, eh bien, un extrait lu par Daniel Königsberg de cette fameuse éthique à Nicomaque par Aristote. Il y a donc trois objets qui font naître l'amitié. L'attachement pour les choses inanimées ne se nomme pas amitié puisqu'il n'y a pas attachement en retour, ni possibilité pour nous de leur désirer du bien. Il serait ridicule sans doute de vouloir du bien au vin, par exemple. Tout au plus, souhaite-t-on sa conservation, de façon à l'avoir en notre possession. S'agit-il au contraire d'un ami ? Nous disons qu'il est de notre devoir de lui souhaiter ce qui est bon pour lui. Mais ceux qui veulent ainsi du bien à un autre, on les appelle bienveillants. Quand le même souhait ne se produit pas de la part de ce dernier, car ce n'est que si la bienveillance est réciproque qu'elle est amitié. Ne faut-il pas ajouter encore que cette bienveillance mutuelle ne doit pas demeurer inaperçue ? Beaucoup de gens ont de la bienveillance pour des personnes qu'ils n'ont jamais vues, mais qu'ils jugent honnêtes ou utiles. Et l'une de ces personnes peut éprouver ce même sentiment à l'égard de l'autre partie. Quoi qu'il y ait manifestement alors bienveillance mutuelle, comment pourrait-on les qualifier d'amis alors que chacun d'eux n'a pas connaissance des sentiments personnels de l'autre ? Il faut donc qu'il y ait bienveillance mutuelle, chacun souhaitant le bien de l'autre, que cette bienveillance ne reste pas ignorée des intéressés et qu'elle ait, pour cause, l'un des objets dont nous avons parlé. Alors voilà donc la deuxième source ou une seconde source possible pour l'amitié médiévale, mais une source tardive, nous dites-vous. Il n'y a pas eu des percolations antérieures de ce texte d'Aristote ? Il n'est pas parvenu par d'autres penseurs qui l'ont adapté, par exemple au moment de la fameuse Renaissance carolingienne, Bénédicte Serres ? Alors c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que en fait, Cicéron avait eu cette bonne idée d'emprunter les grandes idées d'Aristote. Et c'est par Cicéron que le Moyen-Âge peut disserter sur l'amitié. C'est par Cicéron qu'on a une auctoritas pour penser la thématique. Et là, très tôt, donc très tôt. Bien avant l'arrivée de la traduction complète au XIIIe siècle de l'Éthique à Nicomaque. Oui. Alors, Cicéron et puis Sénèque aussi, hein, dans ses lettres. Oui, assez tôt, même si le haut Moyen-Âge n'a pas de grande dissertation sur l'amitié. C'est surtout au XIIe siècle. Le XIIe siècle est friand de cette thématique et du coup, par le stoïcisme cicéronien et sénéquien. Oui, Damien Bocquet, alors on voit bien qu'il faut séparer ce très long Moyen-Âge en plusieurs parties, des parties qui réfléchissent à cette question de l'amitié et des parties qui réfléchissent moins, des parties peut-être qui sont plus influencées par la pensée grecque classique que d'autres. Comment classifiez-vous cela, vous, Damien Bocquet, qui êtes spécialiste de ces questions de l'émotion et des émotions au Moyen-Âge ? Oui, alors c'est vrai qu'au niveau des sources intellectuelles, il y a vraiment plusieurs périodes. La fin de l'Antiquité est une période dans le christianisme très très active au niveau de la réflexion sur l'amitié. Bien sûr, par le legs dont parlait Bénédicte Serres, via Cicéron et Sénèque, beaucoup plus que directement par la pensée grecque. Et je pense par exemple à Ambroise de Milan, qui était un des maîtres de Saint-Augustin, donc dont le traité qui s'appelle « Les Devoirs », qui est largement calqué sur celui de Cicéron, traite très longuement de l'amitié à la fin. Il y a également Jean Cassien, qui est un auteur de langue grecque à l'origine, mais qui s'est installé du côté de Marseille et qui a beaucoup écrit en latin et qui, lui, a écrit carrément un petit traité sur l'amitié. Or, Jean Cassien est un des grands inspirateurs des premières règles monastiques. Saint Augustin aussi a écrit, alors de façon un peu dispersée, notamment dans les confessions, il parle de l'amitié, alors de façon ambiguë. Enfin, quoi qu'il en soit, les auteurs médiévaux héritent d'une matière, alors qui ne vient pas directement des Grecs, mais qui reprend, comme le disait Bénédicte, notamment via le stoïcisme impérial, chez Cicéron, Salluste, Sénèque, et donc cet héritage-là. Et puis, il y a l'offre patristique. Mais cela dit, comme le soulignait Bénédicte, durant la période mérovingienne, carolingienne, on écrit parfois un petit peu sur l'amitié, on la met en poésie, notamment Alcuin le fait très très bien, mais c'est vraiment à partir de la fin du XIe siècle, sans doute lié aux circonstances à la fois politique en relation à la féodalité, mais aussi de la réforme de l'Église, et donc qui pense différemment les liens entre les clercs et les liens entre les clercs et les laïcs, qu'une véritable théorisation de l'amitié se met en place et qui explose à partir du XIIe siècle, avant l'entrée d'Aristote. Et c'est ça qui me semble vraiment intéressant. C'est-à-dire que Aristote a certes été une déflagration par les outils conceptuels qu'il a proposés, mais la demande est antérieure. En fait, Aristote vient satisfaire une demande qui préexiste. Et puisque vous évoquiez Alcuin, donc le penseur justement autour de Charlemagne, il y a un extrait de son poème à un ami absent qui nous est lu tout de suite par Daniel Königsberg. Mon tendre amour pleure un ami absent, qu'une vaste étendue de terre dérobe à ma vue. Rare est la fidélité parmi les hommes qui en fait des chers amis. Dans le tumulte des occupations, lui seul est présent à mon cœur. Supérieur à l'argent, plus précieux que l'or rougeoyant, il brille avec plus d'éclat que tous les trésors, lui que toute ma force d'âme désire et cherche à posséder, à garder, à aimer et à honorer. Tu es celui-là, uni à moi dans un grand amour. Tu es la paix de mon esprit, un doux amour pour moi. Que Dieu veille sur toi pour toute l'éternité. Puisses-tu te souvenir d'Albinus en tout temps et en tout lieu? Adieu. Porte donc avec toi ces modestes vers, mon frère, mon ami. Garde toujours, je te le demande, le souvenir de moi comme de ton ami lorsque tu iras à travers les champs, les collines, les forêts et les rivières. Puisse le Christ veiller toujours sur ton chemin. Puisses-tu être privilégié dans les prières des saints, toujours et sans fin. Maintenant et à jamais, doux ami, adieu. Un extrait donc du poème à un ami absent d'Alcuin qui date donc du tout début du fin du 8e siècle, tout début du 9e siècle de notre ère. Perrine Carbon. Oui, Damien Bocquet, on a bien compris. Donc il y avait tout ce corpus de textes très érudits autour de l'amitié qui sert de base de réflexion au Moyen-Âge. Mais quand on entend ce poème, on pense aussi à finalement ce que pourrait être l'amitié entre deux personnes, une amitié plus quotidienne, plus ordinaire. Et comment est-ce qu'on fait le lien justement entre tous ces corpus et ces amitiés, des amitiés très fortes? Quand on voit ce poème, on voit que le mot amour finalement est très proche de celui d'amitié. Oui, alors ce qui est très fort, c'est la rhétorique de l'amitié. Parce que finalement, très très souvent, on ne sait pas grand-chose de la réalité des liens affectifs. Et là, il faut faire très attention parce que c'est aussi vraiment un travail épistolaire, un exercice de style parfois. Rhétorique. Et rhétorique, bien sûr. Enfin, une rhétorique. La rhétorique de l'amitié dans la correspondance est absolument massive depuis l'Antiquité, comme elle l'est encore en partie aujourd'hui. Et aujourd'hui, on sait très bien que les lettres, souvent, qui commencent par « mon cher ami », vous êtes sûr qu'il y a une distance très très peu amicale, ou en tout cas pas spécialement bienveillante, entre votre interlocuteur et vous. Donc c'est difficile parfois de faire la part des choses. Et même, d'ailleurs, les historiens, les littéraires qui ont travaillé sur cette rhétorique très, très fine de l'amitié savent déceler parfois, non pas dans les emphases qui peuvent être extrêmement convenues, mais plus dans les petits décrochages, les termes rares ou les attributs singuliers. Eh bien, la différence entre une lettre convenue qui peut être extrêmement enflammée mais finalement très plate parce qu'elle contient une dimension de demande, de besoin, de règlement de conflit, et puis quelque chose qui est vraiment personnel. Pour l'historien, c'est vraiment un... C'est un casse-tête la plupart... Un casse-tête, oui, d'une certaine façon. Enfin, cela dit, on n'est pas non plus obsédé par cette volonté de dépasser un miroir comme si la vérité se trouvait au-delà. Mmh. Je veux dire par là que la rhétorique elle-même, elle fait partie de la réalité sentimentale. Et je crois qu'il y a peut-être un piège aussi à s'imaginer qu'il y a d'un côté l'écrit qui serait de l'ordre de l'artifice et puis la réalité du sentiment. Enfin, tout cela étant de toute façon extrêmement imbriqué, on est quand même de plein pied avec, si ce n'est la réalité du sentiment éprouvé à ce moment-là, on est de plein pied avec ce qui leur semble vraisemblable de l'intimité sentimentale. Voilà. Et donc si ce n'est pas avec cet homme-là, c'est peut-être avec un autre. Oui, mais justement, quand on entend ce poème « Un ami absent » d'Alcuin, peut-être on peut essayer, peut-être vous essayez pour les auditeurs de remettre ça dans un contexte de l'époque afin de, voilà, de faire en sorte qu'on puisse comprendre finalement dans quelle mesure, dans quel contexte, voilà, ce texte prend ses racines. Bien sûr. Alors sur celui-ci, le contexte général est assez bien connu, c'est-à-dire que Alcuin participe de ce grand mouvement de la Renaissance carolingienne, donc d'une Renaissance des lettres, mais qui va de pair avec des pratiques de gouvernement de Charlemagne lui-même. Alcuin, qui n'est pas moine, qui est simple clerc, est au service de l'empereur Charlemagne et anime ce qu'on a appelé une académie, l'Académie Palatine, qui est un véritable cercle littéraire qui joue justement de cette excellence de la rhétorique. Vous voyez, il se donne un surnom, Albinus. Chacun des grands interlocuteurs autour d'Alcuin ont eux-mêmes des noms qui viennent de l'Antiquité, soit païenne, soit biblique. Charlemagne est comparé à David. Et donc là, vous avez un véritable projet. Un jeu. À la fois de... Bien sûr que c'est un jeu, évidemment. Mais c'est un jeu aussi qui dit les relations humaines. Bien C'est-à-dire sûr. Que Charlemagne lui-même, dans ses pratiques vassaliques, utilise, et ses interlocuteurs aussi, cette rhétorique de l'amitié. Et donc c'est à la fois un jeu littéraire, une volonté de montrer une excellence dans la maîtrise de la langue, mais ça dit du politique, et puis ça dit du religieux également, parce que le Christ est absolument partout. Et là, on voit ce projet typiquement carolingien d'une société profondément chrétienne, mais qui se mêle dans le projet impérial. Sur ce point, Bénédicte Serre, sur cette question, le rapport entre la pensée de l'amitié et une supposée réalité de cette amitié que l'on pourrait transcrire en tant qu'historien ou historienne aujourd'hui et essayer de comprendre. Mais c'est toute la question en réalité très méthodologique, très épistémologique du passage entre la sphère des sources théorique, conceptuel, intellectuel, et la sphère du monde de la pratique. Et ce passage est très délicat méthodologiquement. On ne peut pas importer dans des allers-retours les concepts. Ça veut dire qu'avec ce texte d'Alcuin, on apprend quelque chose sur ce qu'est ce milieu palatial justement autour de Charlemagne, on apprend quelque chose sur les références que l'on veut se donner en tant que penseur de ce milieu palatial, mais on n'apprend pas forcément grand chose sur la pratique amicale justement à cette même fin de 8e début de 9e siècle, Bénédicte. En tout cas disons, c'est pas qu'on n'apprend rien sur l'amitié proprement dit, parce que l'amitié, de toute façon, c'est de l'ordre de l'intériorité. Et par définition, même aujourd'hui, dans notre époque contemporaine, on a du mal à accéder avec authenticité à cette amitié. Ce dont on est sûr, c'est que l'amitié se montre là, que ce soit chez Alcuin, chez Pétrarque, chez les hommes de la fin du Moyen-Âge. L'amitié se montre. Et à partir du moment où elle se montre, on ne sait pas à qui elle s'adresse. Quand elle se donne à voir, c'est qu'elle dit quelque chose. La manifestation de l'amitié dit quelque chose. Montrer l'amitié, montrer les gestes d'amitié, montrer des codes de comportement qui se veulent amicaux, c'est déjà manifesté dans l'espace public, avec cette publicité, c'est manifester quelque chose. Oui, parce qu'on ne s'adresse plus simplement à son ami, mais on s'adresse aussi à la société qu'il y a autour et à qui on va montrer cette amitié spécifique. Perrine Carvran. Oui, et puis on voit bien aussi dans ce Moyen-Âge, justement, où la réputation est si importante, où le paraître est si important. Damien Bocquet a parlé de politique tout à l'heure. Vous avez travaillé aussi sur les contrats d'alliance. Et on voit bien là, dans votre travail, Bénédicte Serre, la question de l'amitié comme outil politique, comme outil d'alliance, comme finalement une figure de rhétorique, finalement, de la paix et du lien féodo-vassalique aussi. Bien sûr. Alors là aussi, je suis très sensible à la chronologie. C'est-à-dire que c'est on plus, est c'est plutôt plus tard, sur la fin sûr. Du Moyen-Âge, mais il n'y a pas de souci. En fait, c'est exactement ça. C'est que sur cette fin du Moyen-Âge, alors on va dire 13e, 15e ou 14e, 15e, on est vraiment dans une société fondamentalement contractuelle qui a besoin de multiplier les appartenances, les alliances. Alors, le mariage, évidemment, le baptême par la parenté spirituelle, les confréries, les réseaux, la féodalité contractuelle, toutes ces appartenances, les ordres de chevalerie, toutes ces appartenances qui rassurent les individus sur des liens, sur des réseaux, et l'amitié ne vient que s'ajouter à cette multiplicité des appartenances. Et dans les contrats d'alliance, on a une rhétorique sur qui est tout le temps énumérative sur amitié, alliance et paction, amitié, bienveillance et alliance. Et du coup, l'amitié vient se surajouter à cette contractualité comme un des liens supplémentaires. Mais quelle est la consistance de cette amitié ? Oui, c'est une question que vous posez aussi dans vos travaux, Damien Bocquet. Cette amitié, qu'est-ce qu'elle recouvre ? Elle recouvre aussi, effectivement, des liens, on l'a dit, féodo-vassaliques. Elle recouvre aussi une dimension contractuelle qui permet soit de faire la paix, soit d'éviter la guerre lorsqu'elle peut arriver, etc. Et tout cela, il faut prendre tout cela en bouquet, d'une certaine façon, en tant qu'historien, et se dire il n'y a pas simplement un lien intime entre deux personnes qui s'avouent leur amitié, il y a quelque chose de plus, et toujours voir ce plus derrière, Damien Bocquet. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, cette question de la séparation, enfin de l'articulation entre l'intime et le public, entre le politique et le domestique, il faut bien comprendre que c'est peut-être plus un questionnement fondamental pour nous que pour eux. Et c'est pour ça que l'histoire aussi de l'amitié qu'il y a à faire, c'est aussi une histoire de la compréhension de ce détachement progressif des deux sphères. Alors, qui ont toujours été pensées de façon distincte, mais qui pendant très longtemps, parce qu'elles avaient une efficacité politique, économique, contractuelle, religieuse, étaient articulées finalement avec beaucoup de naturel. Et donc, la distorsion s'est faite très progressivement, sans doute d'ailleurs à partir de la fin du Moyen-Âge. Et donc l'enjeu, c'est peut-être pas de comprendre toujours ce qu'il y a derrière l'amitié, mais de comprendre comment fonctionne l'ensemble des registres rhétoriques, gestuels, symboliques. Vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas vraiment savoir quels étaient les comportements des personnes amicales les unes les autres. On peut facilement imaginer quand même que ça passait, comme on le voit par plein de sources, par des cadeaux, par le fait d'être dans une proximité physique, par le fait de manger à la même table, par le fait de se toucher, de s'embrasser. De coucher dans le même lit parfois. De coucher dans le même lit, oui, bien sûr. Alors ça, vous savez, c'est une vieille affaire de l'hospitalité depuis l'Antiquité, qui existe déjà chez Homère. Et donc bien sûr, pour nous, c'est un petit peu, à tout le moins, étonnant. Ça n'a strictement rien de scabreux pendant toute la période médiévale. Enfin, du moins, à partir du moment où les circonstances de l'amitié sont posées, sont reconnues comme telles par les interlocuteurs et les témoins, eh bien, il n'y a aucune ambiguïté. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Troisième volet, aujourd'hui de notre série sur l'histoire de l'amitié. Nous parlons de l'amitié médiévale et nous continuons cette émission avec une lecture de Daniel Königsberg, la lettre d'Anselme de Canterbury, qui est mort en 1109 au moine Gondulf. Lorsque je me dispose à t'écrire, ô âme très chère à mon âme, lorsque je me dispose à t'écrire, j'hésite sur la meilleure façon de commencer ce que j'ai à te dire. En effet, tout ce que je ressens à ton sujet est doux et agréable à mon cœur. Tout ce que je désire pour toi est ce que mon esprit peut concevoir de mieux. En effet, je t'ai vu tel que je t'ai aimé, comme tu le sais. J'entends que tu es tel que je t'ai désiré, comme Dieu le sait. Par suite, où que tu ailles, mon amour t'accompagne. Et où que je demeure, mon désir t'embrasse. Et toi, tu me demandes par tes courriers, tu m'exhortes par tes lettres, tu me pousses par tes cadeaux à me souvenir de toi. Que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens plus de toi, si je ne place pas Gondulf parmi les premiers de mes amis. En effet, comment pourrais-je l'oublier? Celui dans mon cœur garde l'empreinte comme la cire, celle d'un sceau. Comment pourrait-il être effacé de mon souvenir? Pourquoi dès lors te plains-tu avec tant de tristesse, comme je l'apprends? Que jamais tu ne reçois de lettre de ma part? Et cherches-tu avec un désir si vif à en recevoir souvent, alors que tu possèdes toujours avec toi la claire connaissance que tu as de moi? Toi, sans que tu dises un mot, je sais que tu m'aimes. Et moi, sans que je prononce une parole, tu sais que je t'aime. Peut-être une des choses qu'il faut préciser, Damien Bocquet, c'est de savoir si ce type de lettre était fait pour être révélé à d'autres que l'ami en question. Est-ce qu'il y a une correspondance privée ou est-ce que la correspondance en question, celle de, donc, d'Anselme de Canterbury au moine Gondulf, est une correspondance qui a pour mission, pour but d'être révélée comme exercice littéraire, comme façon de s'inscrire dans une longue tradition épistolaire, Damien Bocquet? Je pense que tout cela est vrai en même temps. Ce n'est pas une correspondance privée. La preuve, c'est qu'on l'a conservée. Il y a eu des recueils qui ont été élaborés. On le sait par ailleurs parce que cette correspondance d'Anselme est bien connue. Souvent d'ailleurs, Anselme, à la fin de ses lettres, donne des indications pour d'autres personnages. Donc il dit « dis un tel que je l'aime aussi ». Et donc tout cela n'a pas vocation à être strictement privé. Il ne faut pas oublier non plus que ces lettres étaient portées par des messagers qui avaient des compléments d'information, voire des consignes au niveau des gestes à effectuer, d'amitié, des cadeaux à remettre. Elles étaient mimées. Alors, elles pouvaient être... Alors, mimées, c'est difficile d'aller aussi loin, mais parfois, on a des mentions où il est question de l'embrassement que doit prodiguer le messager ou du cadeau qu'il doit remettre, ou des allusions au geste de l'amitié qui accompagne la lettre elle-même. Et puis on sait par exemple que à ce moment-là, Anselme, qui est prieur au monastère du Bec, également écrit à des moines qui ont suivi l'ancien maître d'Anselme, qui est Lanfranc, qui est devenu archevêque de Canterbury. Et Lanfranc est parti du monastère normand du Bec avec un certain nombre de moines qui sont à son service. Et donc, c'est une façon aussi d'entretenir les réseaux. Une relation de réseau, oui, évidemment. Périne Cavran. Bien sûr que c'est une relation de réseau aussi. Oui, et puis peut-être il faut comprendre le contexte de la vie monastique, de la manière dont justement les règles de vie dans ces monastères et l'habitude de côtoyer les textes peuvent aussi générer comme ça des manières d'être et des manières de penser l'amitié au sein de la vie monastique. Damien Bocquet. Oui, bien sûr, c'est exactement cela. Mais en revanche, c'est assez nouveau. C'est-à-dire que pendant tout le haut Moyen-Âge, le monachisme a une relation quand même assez ambiguë vis-à-vis de l'amitié. C'est-à-dire que l'amitié peut être valorisée dans la mesure où elle rehausse la valeur centrale, qui est quand même la valeur de la charité fraternelle. Mmh. Mais il y a plutôt une méfiance. La grande règle qui va s'imposer à partir de l'époque carolingienne et un petit peu après, qui est la règle de Saint-Benoît, ne parle presque pas de l'amitié. Et lorsqu'elle en parle, c'est plutôt en termes de méfiance, parce que Benoît se méfie terriblement des associations de ce qu'il appelle les cliques, les conjurations au sein du monastère. Mmh. Il faut que le monastère soit une grande famille. Et donc, ce n'est véritablement qu'à partir de la fin du XIe siècle où, au contraire, l'amitié commence à être pensée non pas comme une valeur conjointe subordonnée à la charité, mais possiblement comme l'excellence de la charité. Et ça, c'est quand même nouveau. Et donc, il y a une évolution à l'intérieur de la vie monastique qui est profondément liée à la réforme du monachisme à la fin du XIe siècle. Périne Cavran. Oui, et peut-être, Bénédicte Auxerre, vous pouvez nous expliquer peut-être plus précisément ce lien entre la charité et l'amitié. C'est-à-dire que l'amitié est une forme de cadeau qu'on ferait. Est-ce que c'est une forme de don de soi? Alors, la charité a ceci de différent avec l'amitié qu'elle n'est pas réciproque. Aimez vos ennemis. Et du coup, les théologiens, surtout ceux du XIIIe siècle, Albert le Grand, Thomas d'Aquin, se sont d'abord intéressés à la charité et n'ont utilisé l'amitié que comme outil pour définir la charité. C'est-à-dire l'amitié, c'est une petite modalité pour penser la grande clé de voûte de tout le christianisme, qui est la charité. Et puis, peu à peu, quand les siècles avancent, au XIVe siècle, des hommes, plus philosophes que théologiens, vont commencer à décentrer la charité et à replacer au centre l'amitié en se disant mais l'amitié a une densité pour elle-même, a une consistance pour elle-même. Elle n'est pas uniquement cet auxiliaire de la charité, elle n'est pas uniquement cette vertu qu'il faut pratiquer pour une plénitude dans l'ordre de la grâce, parce que Thomas disait ça, Thomas disait l'amitié c'est l'ordre naturel qui est ordonné vers l'ordre surnaturel. Mmh. Donc l'amitié est ordonnée vers la charité, reine des vertus. Eh bien au XIVe siècle, un homme comme Buridan par exemple va dire non, l'amitié a une densité pour elle-même. Et là, nous sommes, il y a une rupture épistémologique majeure parce que nous sommes vraiment dans un moment où un humanisme va être pensé pour lui-même, où autrui, objet de mon amitié, est pensé pour lui-même, c'est-à-dire comme une finalité en soi et non pas en vue de Dieu. Et là, c'est quelque chose de complètement nouveau qui ouvre sur une anthropologie et non plus ce contexte très théocentré qui est le contexte médiéval. Mmh. On a véritablement un humanisme, une anthropologie pour elle-même. Alors, avant d'en venir peut-être à cette fin de Moyen-Âge dont nous parle à l'instant Bénédicte Serre, Damien Bocquet, il faudrait peut-être s'arrêter sur une querelle historiographique, une querelle fort intéressante d'ailleurs, autour de cette question de l'amitié, amitié-amour, geste d'amitié, façon dont les hommes en particulier se touchent, discutent entre eux, s'embrassent parfois sur la bouche, etc., qui a provoqué depuis maintenant une vingtaine d'années des grands débats historiques entre historiens, par exemple des gay studies, et historiens d'autres tendances de l'histoire, qui ne voient pas dans les mêmes textes, dans les mêmes récits, la même chose d'une certaine façon, Damien Bocquet. Est-ce que vous pouvez nous résumer pour nos auditeurs combien cette question de l'amitié est centrale dans une redéfinition justement des rapports, en particulier féodo-vassalis, entre seigneurs et vassaux, etc., dans cette période du 11e, 12e, 13e siècle, par exemple, Damien Bocquet. Oui, alors l'affaire, elle a plus d'une trentaine d'années. Elle a commencé au tout début des années 80 par un grand historien américain qui a sorti un livre qui était une histoire de l'homosexualité, des homosexuels, plus exactement au Moyen-Âge. Livre dans lequel il soutenait cette idée complètement déroutante, selon laquelle en fait l'Église n'aurait pas été la première et la plus vigoureuse dans la condamnation de l'homosexualité, mais au contraire aurait accueilli, notamment au XIe, XIIe siècle, ce qu'il appelle une sous-culture homosexuelle, au sens d'une culture minoritaire, mais relativement accepté, protégé, alors avec un emploi qu'il faisait, parce que lui utilisait le terme de gay qui est difficile à traduire en français, mm-hmm. D'ailleurs on le traduit souvent même pas, c'est-à-dire qu'il n'y englobait pas nécessairement la pratique sexuelle. Mm-hmm. Mais pour lui c'était quand même un élément qui pouvait faire partie cette culture de façon générale. Ce qu'on appelle l'homosocialité par exemple quelquefois. Oui, alors si ce n'est que l'homosocialité, oui c'est ça, mais alors ça n'exclut pas la sexualité malgré tout. Bien sûr. Homo-affectivité, on a effectivement tenté de trouver des, des termes adjacents, voilà, homo-affectivité, homo-sensibilité, homo-socialité. Alors cela dit, contre Boswell, il y a quand même une réaction assez vigoureuse, l'accusant notamment de transposer, et ça c'était quand même assez imparable, de transposer sur le Moyen-Âge des catégories qui lui sont bien postérieures. Et les historiens de l'homosexualité d'ailleurs ont bien montré que le concept même d'homosexualité, c'est-à-dire le fait de définir plus ou moins une personne dans sa dimension sociale et intime par rapport à ses préférences sexuelles, était quand même un concept extrêmement tardif. Entre puis, donc cette période-là et aujourd'hui, il y a eu aussi les travaux d'Alan Bray, sur lesquels vous avez travaillé, Damien Bocquet, qui est mort en 2001, qui a écrit un livre visiblement très important que je n'ai pas lu, je pense qu'il n'est pas traduit en français, d'ailleurs The Friend, c'est ça ? Oui, c'est ça, The Friend. Et oui, il a écrit plusieurs ouvrages, alors notamment deux livres autour de l'homosexualité, mais The Friend, qui est paru en fait en 2003, est une étude alors qui est construite dans l'autre sens, c'est-à-dire que il étudie en fait des couples d'amis très célèbres ou moins célèbres, et il s'étonne même à l'inverse que ces couples d'amis qui montraient des formes d'amitié extrêmement exacerbées, qui le point commun c'est qu'ils se sont tous fait enterrer dans le même tombeau, n'aient pas nécessairement suscité d'étonnement, de soupçons. Et en fait la grande différence quand même qu'on a du mal à comprendre pour le Moyen-Âge, du moins jusqu'à la fin du XIIe siècle, c'est que les registres de l'amitié vraie, donc de l'amour vrai, et le registre de la sexualité sont complètement séparés. Mmh. Ce qui fait que si il est bien clair pour tout le monde que vous êtes dans un cadre d'un lien spirituel ou politique, vous parliez de la féodalité, mmh. mais d'un lien politique reconnu, attendu, eh bien la rhétorique amoureuse entre hommes ou entre femmes d'ailleurs peut être extrêmement intense sans qu'il n'y ait le moindre soupçon. Mmh. En revanche, dès que vous êtes dans un contexte où la sexualité à sa part, évidemment, là, le soupçon intervient très rapidement. D'où le fait, d'ailleurs, que lire toute cette rhétorique, en particulier la lettre d'Anselme, qui est absolument sublime pour nous, avec en arrière-plan cette interrogation sur l'homosexualité, serait un lourd contresens. Mm-hmm. En revanche, ce qui n'est pas un contresens, c'est comment comprendre, que veut dire des relations affectives entre hommes aussi intense dans une société qui utilise exactement la même rhétorique au XIIe siècle pour qualifier les relations vraies, par exemple, entre époux. Mmh. Alors, on a un exemple, c'est « Ami et Amil », une chanson de geste qui a été publiée en 1987 par M. Dembowski, donc chez Champion en 1987, dans une traduction de Joël Blanchard et de Michel Quéreuil. Donc « Ami et Amil », chanson de geste, XIIe siècle. On écoute Daniel Königsberg. Le conte Ami n'avait pas encore parcouru une demi-lieue qu'un pré s'offrit à ses regards, un pré couvert de fleurs comme au plus beau jour. Et au beau milieu de celui-ci, il vit le comte Amil, debout. Il ne l'avait jamais vu, mais les descriptions qu'on lui en avait faites, les bonnes armes dont il était équipé, lui permirent de le reconnaître parfaitement. Pressant son cheval de ses éperons dorés, Ami se dirigea rapidement vers Amil, qui, l'ayant à son tour reconnu au premier regard, s'avança vers lui. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, s'embrassent avec une telle fougue, se serrent avec une telle tendresse, qu'ils sont bien près de s'étouffer l'un l'autre. Emus uncant jauzet joius, e remira sapar suven, el rius unclar. Voilà, difficile de se séparer des images de la prairie en fleurs, de deux amants qui courent l'un vers l'autre, qui nous ont été évidemment popularisés par les romans du 19e ou par les films du 20e et 21e siècle. Quand on lit ce texte, on a la difficulté d'effectivement d'avoir depuis, d'une certaine façon, un regard qui a été changé par le cinéma, par le roman sentimental. Par exemple, il faut s'en détacher, Damien Bocquet. Sauf que ce roman sentimental et ce cinéma, en fait, puisent en partie ses sources dans ce genre. Le coup de foudre, il est là. Sauf qu'on a oublié qu'à l'origine, le coup de foudre, c'était un homme et un autre homme. Et donc, peut-être davantage qu'un homme et une femme. Mais non, moi, je ne pense pas qu'il faille vraiment s'en détacher complètement. C'est-à-dire qu'il faut penser la chose, pas du tout en termes d'homosexualité ou pas, mais il faut quand même réfléchir, parce qu'après tout, on n'a aucun souci à penser, par exemple, l'histoire de la relation amoureuse comme faisant partie de la grande histoire de l'hétérosexualité. Mmh. On n'a pas de difficulté à penser l'histoire du roman courtois, l'histoire du mariage amoureux, comme faisant partie de l'histoire des relations entre les hommes et les femmes, y compris, bien sûr, dans leur dimension sexuelle. Mmh. Et donc, il faut aussi que d'un côté, bien sûr, on ne projette pas des catégories qui n'existent pas. Et donc, il n'est pas question, là, d'une espèce de tolérance vis-à-vis de l'homosexualité qui n'a jamais existé au Moyen-Âge, même si la répression est en fait assez tardive. Mais malgré tout, il y a là, ici, une culture de la relation amoureuse entre hommes, dont la dimension sexuelle est parfois exclue. Le plus souvent, on n'en parle pas. Qui, à mon sens, est tout à fait, il est légitime de l'intégrer dans une histoire de ce que nous, on appelle l'homosexualité. Mmh. Pourquoi pas ? C'est l'histoire de ce que Michel Foucault appelait la culture amoureuse. L'histoire de la sexualité et l'histoire de la culture amoureuse sont à la fois deux champs séparés, mais dont il est légitime de chercher à tisser les liens et à construire les articulations. Et donc, il ne faut pas rejeter cette dimension-là de l'histoire de l'homosexualité. Enfin, moi, je ne le fais pas. Qu'est-ce qui change, Bénédicte Serres, dans ces 13e, 14e, 15e siècles que vous connaissez très bien, vous, à partir des textes en particulier? Est-ce qu'il change beaucoup de choses? Vous nous expliquiez tout à l'heure comment la naissance de cette culture humaniste se fait justement avec en se séparant de certaines pensées du Moyen-Âge classique, pourrait-on dire, et en adaptant cette pensée-là avec de nouveaux apports en particulier. Qu'est-ce qui se passe dans cette fin de Moyen-Âge de différent de ce qu'on a pu décrire jusqu'à maintenant avec Damien Bocquet et vous-même? Alors, ce qu'on observe très bien dans toutes les sources, dans tous les types de sources, c'est que le vocable d'amitié sature les sources. Que ce soit les sources de la pratique, les sources théoriques, les sources ecclésiastiques, les sources politiques, littéraires. Qu'est-ce que vous entendez par saturer ? C'est-à-dire qu'il est omniprésent. Ah ouais. Il traverse tout type de relations et du coup, il aide à définir le... Il est le lien social. Il définit le lien social. Il est la manière dont une société parle de son lien social. Et ce qui change fondamentalement, paradoxalement aussi, c'est que d'un côté, il sature les sources, il innerve l'ensemble de cette documentation que l'on a, témoin de cette époque. Et paradoxalement, l'amitié à ce moment-là, en tout cas ce qu'on en perçoit à travers les sources, perd de son côté charnel, perd de sa proximité, perd de cette relation de l'homme à, d'homme à homme. Paradoxalement, on a une théorisation politique qui est plus forte et qui permet à l'amitié de se vider, en quelque sorte, de son effusion sentimentale. Mmh. L'amitié devient un concept froid, enfin... C'est pour dire vite, hein. Ouais. Mais devient un concept plus froid parce que justement, il aide plus à définir les relations politiques, diplomatiques, sociales, et il vient à grand renfort de la construction de ce lien social. Périne Gavran. Oui, d'ailleurs, vous dites dans votre travail, Bénédicte Serres, que bien sûr, cette question de l'amitié est utilisée par l'aristocratie. Alors, vous dites qu'elle est utilisée d'une manière différente, effectivement, dans un rapport très politique. Et puis, vous dites que pourtant, tous ces textes d'Aristote, tous ces textes sont aussi présents dans ces bibliothèques aristocratiques. Donc, finalement, il y a deux manières de lire des mêmes sources sur l'amitié. Oui, bien sûr, puisqu'une production n'a de sens que par ses lectures. Oui. Donc, par exemple, en effet, si on regarde la traduction de Pétrarque en français, on voit qu'elle n'a intéressé que les milieux nobiliaires, aristocratiques. Et c'est dans la bibliothèque du duc de Nemours que l'on retrouve les deux exemplaires de Jean Dodin, donc, qui a traduit Pétrarque. Et donc, Pétrarque n'est aucunement dans les milieux ecclésiastiques, théologiens, même politique. En fait, l'idée, c'est que cette aristocratie en crise sur cette fin de Moyen-Âge, dès le 13e, 14e et encore plus au 15e siècle, va essayer de puiser les ressources de la redéfinition de son identité culturelle dans l'amitié de type pétrarchéenne, par exemple. C'est-à-dire... Cette proximité des aristocrates entre eux, cette appartenance des aristocrates entre eux, qui se manifeste aussi dans les ordres de chevalerie, par exemple, ou dans les banquets à la cour de Bourgogne, ce qu'a très bien montré Klaus Hochema, par exemple. Et là, dans cette amitié stoïcienne, et non plus aristotélicienne, encore moins augustinienne, bien sûr, ni cicéronienne, plutôt Sénèque. Dans cette amitié stoïcienne, les nobles trouvent une modalité de leur relation. Oui, parce que, par exemple, une des grandes questions qui visiblement traverse cette question de l'amitié médiévale, c'est de savoir si Aristote dit non, et puis Pétrarque dit oui, si on peut être ami à distance, par exemple. Aristote dit, évidemment, on ne peut pas être ami à distance, puisqu'il faut un échange physique, un échange de regards, il faut pouvoir se toucher, se voir, etc. Pétrarque, lui, dit non, on peut être ami à distance, et au contraire, c'est une belle amitié que cette amitié que l'on peut nourrir pour quelqu'un que l'on ne voit pas, Bénédicte Serres. Oui, alors, en fait, c'est la distinction que fait Aristote entre amitié passive passive et amitié active. Pour Aristote, l'amitié doit s'actualiser dans une pratique, dans une fréquentation. Loin des yeux, loin du cœur, ce n'est pas de l'amitié. Alors que Pétrarque, qui ne se veut pas aristotélicien pour un sou, et qui au contraire prend le contre-pied dans son paradigme humaniste, prend le contre-pied d'Aristote. Pétrarque, lui, chante volontiers l'absence de l'ami. Et il dit même, parfois la fréquentation peut être ennuyeuse, on peut se lasser, l'habitude, la vie quotidienne. Alors que quand mon ami est plus loin, je le présentifie dans mon esprit, c'est-à-dire que je cristallise notre relation, je cristallise sa présence, et donc il est tout le temps en moi, j'intériorise sa pensée. Donc évidemment, on est dans deux modèles, deux acceptions de l'amicitia complètement différentes, mais qui ont cours sur la fin du Moyen-Âge. Oui, et Damien Bocquet, ils ont cours sur la fin du Moyen-Âge et pas beaucoup auparavant, justement, ces deux visions très antinomiques de la présence ou pas de l'ami nécessaire pour que cette amitié perdure. Alors, le questionnement, il est très très ancien. On le voit chez Aristote, on le voit chez Cicéron. Mais comme le soulignait Bénédicte, il est tranché dans le fait que ne pas voir l'amitié, c'est une souffrance de l'amitié. Et potentiellement, c'est la rupture de l'amitié. Donc la présence jusqu'au XIIe siècle est absolument fondamentale. Voir la proximité physique, la promiscuité dont on parlait tout à l'heure. Mais là, on voit bien aussi comment cette question de l'amitié, elle accompagne par exemple l'évolution de la pensée du politique. Dans des sociétés féodales, aristocratiques, où la souveraineté est en reconstruction, ou même à l'époque carolingienne, où le lien personnel est absolument fondamental, évidemment que l'amitié de type cicéronien, et donc qui demande le contact, correspond tout à fait. Dans une société qui pense le bien universel, qui pense le principe d'une souveraineté de même façon universelle et un peu abstraite, eh bien, alors soit l'amitié est moins opérationnelle, soit, comme l'a bien montré Bénédicte, elle est réinterprétée, alors toujours, bien sûr, avec l'autorité qui est convoquée, mais elle change de nature. Et donc cette dimension de proximité physique, de d'épanchement affectif qui participe de la proximité physique, c'est vrai, tend alors soit à devenir de plus en plus artificiel, mécanique, vider de son efficacité sociale, soit se rabattre sur la sphère de l'intime. Et c'est là qu'on l'on voit exactement dans le mouvement que soulignait Bénédicte à la fin du Moyen-Âge, cette séparation des sphères de l'intime et des sphères du public qui n'existe absolument pas au moins jusqu'à la fin du XIIe siècle. Oui, alors on ne voulait pas terminer cette émission sans avoir cité Rutebeuf évidemment, lu par Daniel Königsberg. Que sont mes âmes devenues, que je vois si près de nous, et tant aimée. Que sont devenus mes amis qui m'étaient si proches et que j'aimais tant. Je crois qu'ils sont bien clairsemés, ils n'ont pas eu assez d'engrais, les voilà disparus. Ces amis-là ne m'ont pas bien traité. Jamais, aussi longtemps que Dieu multipliait mes épreuves, il n'en est venu un seul chez moi. Je crois que le vent me les a enlevés. L'amitié est morte. Ce sont mes amis que vent emporte et ils vantaient devant ma porte. Il les a emportés. Que sont mes amis devenus que j'avais de si prétenus et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Voilà pour cet extrait de Rutebeuf, évidemment adapté et chanté par Léo Ferré. Bénédicte Serre, il y a une promesse qu'on n'a pas tenue auprès de nos auditeurs, qui était de se dire on va arriver à la fin du Moyen-Âge, et donc arriver un des plus beaux morceaux de l'amitié, à savoir Montaigne et la Boétie. On est proche de quoi dans ce que vous avez dit tout à l'heure, quand on arrive à ce moment justement humaniste de la Renaissance autour de Montaigne, il est proche de ce que vous disiez tout à l'heure, du pétrarchisme que vous développiez ou de l'aristotélisme précédent? Non, Non, il est loin d'Aristote. Pétrarque est présent, mais pas si proche. Non, avec la Boétie, c'est vraiment le retour de l'effusion sentimentale, eh oui. Le retour de cette intimité, de cette proximité. Le modèle de Montaigne et la Boétie n'est pas médiéval. Il n'est même pas humaniste, je dirais, pour vous contredire. C'est-à-dire vous avez raison, nous sommes vraiment sur l'extrême fin du XVIe siècle. Mm-hmm. Et le modèle de l'humanisme commence à passer et c'est vraiment un retour à du sentiment pur. Mmh. Damien Bocquet, c'est formidable que de travailler sur ces sujets-là. Vous êtes avec Pierre Oscanage à la tête d'un travail collectif autour de ces émotions au Moyen-Âge. Vous avez écouté, je crois, la série qu'on avait faite sur les sensibilités il y a quelques temps avec Perrine Kervran. Oui. Vous plaigniez d'ailleurs qu'on n'avait pas évoqué l'histoire des émotions, voilà, c'est fait, on l'a fait aujourd'hui. Voilà. Je pensais l'avoir dit subtilement. Mais justement, c'est un formidable programme que de travailler autour de toutes ces questions-là. Évidemment, oui, bien sûr que c'est tout à fait fascinant. Et d'ailleurs, hier encore, j'étais à un colloque à Genève qui s'intéressait à la question des liens entre les émotions et le corps au travers de l'histoire. Et donc, c'est aujourd'hui, et tant mieux, devenu un grand chantier qui est vraiment pris à bras-le-corps, c'est le cas de le dire, par la communauté scientifique, parce que ce sont des vrais enjeux, donc c'est pas seulement des affaires anecdotiques, voire parfois un petit peu croustillantes, ce sont des enjeux de société qui sont lourds, et qui sont des enjeux pour aujourd'hui. Je veux dire par là que Alan Bray, dont vous parliez, part du constat contemporain du défaut d'amitié dans nos sociétés. On ne sait plus quoi en faire. On sait quoi en faire dans la sphère privée, on sait quoi critiquer dans la sphère publique, mais on ne sait plus articuler les deux. Et donc, il y a aussi une demande sociale, une demande politique de nos sociétés par rapport à ces valeurs-là. Merci Damien Bocquet et merci à vous Bénédicte Auxerre d'être venu nous éclairer justement sur cette amitié médiévale. On se retrouve Perrine demain pour évoquer un tout autre contexte, les copains de régiment. Qu'est-ce que c'était que d'avoir fait la guerre ou d'avoir fait l'après-guerre ensemble. Anciens combattants, membres de caserne, engagés ou conscrits. On en discutera avec nos trois invités demain. Merci Daniel Königsberg d'avoir lu les textes d'aujourd'hui. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vanna Bolivier, Aurélie Marseille, Bruno Gagnère-Fontani était à la technique et aujourd'hui à la réalisation, Séverine Cassard. Vous pouvez évidemment lire en particulier le livre qu'a écrit Bénédicte Auxerre à partir de sa thèse « Penser l'amitié au Moyen-Âge » chez Brepols et également suivre les travaux communs de Damien Bocquet avec Piroshka Nagy autour des émotions au Moyen-Âge.